7-7-4, ça c'est le terre-terre. 7-7-4, ça c'est le terre-terre. Trop de rageux à faire taire. Région bien plus importante à mes yeux que la mer terre. Ici l'ennui est mortel, donc on s'entasse sur le périph' avec un GPS, car nos quartiers sont à la dérive. Torini, Lani, Enco, ça c'est pour la déco. Fier d'être sur le déco, on vient mener le jeu comme déco. On décolle trop souvent, trop de choix à la gare. Choisis le bon chemin car t'auras plus le choix là-bas. Des accusés, pour mon 7-7-4 désabusé. Jusqu'à Bussy, dans le temps, on s'y est bien amusé. Pas de palmusette, faites de la musique au moustier avec Black Tech. À la rage sur du matos bousillé. Comme rappel, dès que c'est 7-7, je réponds à l'appel, pas de l'appel. Pourtant y'a du bon MC à l'appel. Tu te rappelles fou, sur la bribus avec un Wacos. Ta blast, t'as passionné de plus au pays du claco. 7-4 étoiles, v'là la compile qui lève le voile. Sur du gros potentiel, prêt à décrocher les étoiles. Les égos sont hal, pour des gros sons à l'ancienne. 7-7-4, on impose l'étendard jusqu'à Valenciennes. 7-7-4 étoiles, v'là la compile qui lève le voile. Sur du gros potentiel, prêt à décrocher les étoiles. Les égos sont hal, pour des gros sons à l'ancienne. 7-7-4, on impose l'étendard jusqu'à Valenciennes. 7-7-4, c'est quoi? Des immeubles et des bois. Même nos sons à nous c'est ça. Avec un gros faux qui déboîte, on fait plus la tournée des boîtes. Car plus de points sur les mi-pères. L'État nous a mis en boîte. Donc nos enfants sont des vipères. Vente de gay nous perdonner pour notre éducation. On sait pas se faire pardonner, alors on étudie le son. Chez nous aussi ça joue au foot. On a même notre derby, Torini Lani. Donc pendant 2 heures c'est la Serbie. Et quand la police intervient, nous on se disperse sur la carte ou sous terre. Car on sait qu'ils viendront jamais dans la cave. Jette un pavé dans la mare pour représenter le secteur. Moi j'aime ce qu'attirent les sécateurs sur les inspecteurs. J'ai laissé mes thèmes de côté pour appeler mon code postal. On se postale en studio, moi je me sens sur un piédestal. Viens juste apporter mon style pour 7-7-4 connect. On se connaît en espérant que tout ça ne plaise pas comme mec. 7-7-4 étoiles, v'là la compile qui lève le voile. Sur du gros potentiel, prêt à décrocher les étoiles. Les égos sont hal, pour des gros sons à l'ancienne. 7-7-4, on impose l'étendard jusqu'à Valenciennes. 7-7-4 étoiles, v'là la compile qui lève le voile. Sur du gros potentiel, prêt à décrocher les étoiles. Les égos sont hal, pour des gros sons à l'ancienne. 7-7-4, on impose l'étendard jusqu'à Valenciennes. Et wake a life pour ta tête. Tu voulais que ça défouraille, on se défoule pour nos foules. Big up à ça et des boulailles. Toujours en groupe quand ça déboule, pour défier les poulets. Ce gouvernement toulet qui nous enchaîne à un boulet. Déjà petit je roulais du tabac avec des boulettes. Petit fépélec où tu finiras sur des roulettes. L'hôpital de la nuit en plus, c'est pas des mieux réputés. C'est ça quand tu laisses le pays aux mains de vieux députés. Mais putain t'es ma pour eux, c'est nous la sécurité. Alors pourquoi ils nous recrutent tous dans la sécurité? 7-7-4 c'est ça, la débrouille en bas des blocs. Nos jeunes débloquent et le shit en a fait des logs. On veut de l'or, que ça soit en dinar ou en dollar, chacun sa part. Pour qu'on se mette bien comme des gros lards, ex-dollars. Portant de foulard ou pas tout gay, 7-7-4, on est là frère, donc v'là la taille toute fraîche. 7-7-4 étoiles, v'là la compile qui lève le voile. Sur du gros potentiel, prêt à décrocher les étoiles. Les égos sont hal, pour des gros sons à l'ancienne. 7-7-4, on impose l'étendard jusqu'à Valenciennes. 7-7-4 étoiles, v'là la compile qui lève le voile. Sur du gros potentiel, prêt à décrocher les étoiles. Les égos sont hal, pour des gros sons à l'ancienne. 7-7-4, on impose l'étendard jusqu'à Valenciennes. 7-7-4 étoiles, v'là la compile qui lève le voile. Sur du gros potentiel, prêt à décrocher les étoiles. Les égos sont hal, pour des gros sons à l'ancienne. 7-7-4, on impose l'étendard jusqu'à Valenciennes. 7-7-4 étoiles, v'là la compile qui lève le voile. Sur du gros potentiel, prêt à décrocher les étoiles. Les égos sont hal, pour des gros sons à l'ancienne. 7-7-4, on impose l'étendard jusqu'à Valenciennes.